Bonjour à tous, c'est pas simple de passer après vous deux. Bon, j'ai choisi hein, de passer en dernier. Je suis Vanessa Fage-Morel, je suis directrice générale adjointe donc, du GHU Nord de la PHP. Le GHU Nord, c'est 8 établissements qui vont de Robert-Debré dans le 19e à Louis-Mourier à Colombes, en passant par Saint-Louis, La Riboisière, Bichat-Beaujon, etc. Et comme le disait Mathilde, en fait, j'ai un passé très RH, puisque j'ai été donc DRH de trois grands CHU, le CHU de Toulouse, le CHU de Bordeaux et la PHP pendant 3 ans et demi. Et surtout, j'ai également été sous-directrice des ressources humaines en santé au niveau de la DGOS pendant les années 2020 et 2021, c'est-à-dire la gestion de tous les dispositifs RH qui ont été mis en place pour gérer la crise Covid dans les établissements de santé et surtout après le Ségur RH de la santé. Donc je suis intarissable, si vous voulez me réinviter sur le Ségur RH, j'ai aussi pas mal de choses à dire. Je m'inscris complètement dans ce qu'a expliqué Sarah, et c'est la raison pour laquelle finalement je ne vais pas beaucoup vous parler de GPEC, je vais beaucoup vous parler de ressources humaines, mais assez peu de GPEC, parce que j'ai été plus de 20 ans DRH et je ne sais toujours pas dire ce qu'est exactement la GPEC, ce que recouvre la GPEC. Le plan de mon intervention, c'est deux parties. D'une part, je vais vous décrire les spécificités du travail à l'hôpital et qui vont contraindre énormément la GPEC. On retrouve plein de choses de l'éducation nationale ou de la fonction publique territoriale, mais il y a aussi des spécificités propres, ce qui est un peu logique. Et ensuite, je vais vous parler donc des politiques RH qui ont dû être complètement revues parce que nous, le mur RH qu'on s'est pris, c'est la crise sanitaire. Quand même, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un avant et un après et pour notre GPEC et pour nos politiques RH. Alors peut-être juste en propos introductif, les effectifs, hein, les hôpitaux en France emploient aujourd'hui près d'1,4 million de salariés, de personnes, c'est contre 2 millions de la fonction publique territoriale, on est plus petit, hein, on est la plus petite fonction publique hospitalière, et sur ces 1,4 million, il y a 77% à peu près des salariés qui sont dans la fonction publique hospitalière, donc c'est à peu près 1 million d'agents et de médecins. Les médecins ne sont pas fonctionnaires, mais sont comptabilisés. Vous dire qu'on parle toujours de pénurie de personnel dans les hôpitaux, mais en fait, les effectifs augmentent entre 2003 et 2023 de 17%. Ce qui est plus compliqué à suivre, c'est la logique de progression de nos effectifs. En effet, ils évoluent par à-coup. Et en fait, on voit bien une phase d'expansion, donc 2003-2014, où en fait, il y a une progression de des soins, il y a une progression des ressources humaines qui accompagnent la production de soins, et en revanche un quasi-palier entre 2014 et 2019, alors même que la production de soins continue à augmenter. Et pourquoi ? Parce qu'on rentre dans les politiques budgétaires de maîtrise de l'ONDAM hospitalier, hein, l'ONDAM hospitalier qui fixe la progression des dépenses de l'hôpital en France chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et en fait, quand un hôpital, 70% de son budget, c'est la masse salariale. Forcément, quand on fait des économies, on fait des économies sur la masse salariale et on réduit très peu. On ne va pas s'attaquer aux médecins, puisque les médecins produisent le soin, mais on va aller voir tout ce qui est le personnel non médical. Donc 2014-2019, on a une stabilisation des effectifs dans la fonction publique hospitalière, alors même qu'on produit plus de soins. Et pour ceux d'entre vous qui suivez un peu l'actualité sociale, l'année 2019 était émaillée de conflits sociaux à l'hôpital. Pour la première fois, les médecins descendent dans la rue avec les soignants, ce qui n'arrive jamais, hein. À l'hôpital, il faut savoir qu'on a deux DRH, hein, une DRH pour les médecins et une DRH pour les autres. On appelle en plus les personnels médicaux et les personnels non médicaux. Hein. Donc en décembre 2019, on a 20% de la fonction publique hospitalière qui est dans la rue quand même. La crise arrive, le coronavirus arrive fin janvier, les premiers cas, février, en mars, on confine. Et donc, en fait, la crise sanitaire a été l'accélérateur de la crise qui existait à l'hôpital avant 2019. Et depuis 2020, on a une augmentation 2020-2021 des effectifs soignants parce que les gens ont rejoint les hôpitaux pour prendre en charge la crise sanitaire. Vous l'avez tous entendu, hein, j'imagine, 2021-2023, les personnels soignants quittent quitte massivement l'hôpital et depuis 2023, on recrute à nouveau. Donc voilà, et du coup, c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler en premier lieu des spécificités d'exercice à l'hôpital qui contraignent forcément la GPEC hospitalière. Le premier point sur l'exercice hospitalier, c'est l'impact du vieillissement de la population. Alors, pas pour les mêmes raisons, on a aussi nos pyramides des âges qui évoluent, mais surtout l'impact du vieillissement de la population, c'est forcément une demande accrue en soins. C'est largement documenté. La part des 60 ans et plus dans la population était de 19% en 1900, elle est aujourd'hui de 27% et elle sera de 32% en 2040. Le vieillissement de la population, c'est une population plus âgée, plus exposée aux pathologies, aux incapacités fonctionnelles et aux épisodes d'hospitalisation forcément. Mais en plus du vieillissement de la population dont on parle beaucoup, on a un deuxième facteur démographique qui va avoir une action sur la demande en soins, c'est la progression de la prévalence des maladies chroniques. C'est le cancer, c'est le diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les affections psychiques dont on parle plus depuis la crise sanitaire mais qui existent depuis plus longtemps que ça, les maladies neurodégénératives et d'autres. Et en fait, on a des évolutions épidémiologiques qui s'inscrivent dans le temps. Hein. On a l'évolution des modes de vie, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée, des comportements à risque, des facteurs environnementaux comme la pollution atmosphérique et les perturbateurs endocriniens. Ce qui fait qu'en fait, même les jeunes ont besoin de plus de soins qu'auparavant. Et en France, donc, c'est 25 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et qui vont donc avoir besoin de soins, d'éducation thérapeutique, de suivi au long cours. Et ce qui n'est pas nouveau pour l'hôpital, mais sur lequel on est obligé de beaucoup plus travailler, c'est tout le lien entre ville-hôpital. On a beaucoup parlé d'hospitalocentrisme, mais parce qu'on s'est mal travaillé avec la ville, parce que c'est d'autres métiers, c'est d'autres organisations. Et je voulais juste reprendre Nicolas Revel, mon patron, patron de la paix, donc, qui indiquait dans une tribune qu'il a publiée pour Terra Nova en mai dernier. Il indiquait « C'est un véritable mur démographique et épidémiologique qui se profile à l'horizon des 25 prochaines années. Et en l'état de nos moyens, de nos méthodes et de nos organisations, nous ne serons pas en capacité de le franchir. Nous avons deux défis à relever si nous voulons y parvenir. Celui de l'offre de soins, au sens des moyens humains et des compétences professionnelles dont nous aurons besoin. » pour tout simplement permettre aux malades d'être pris en charge, et celui de la soutenabilité économique. On a eu cette semaine le vote par l'Assemblée nationale du PLFSS, donc vous le savez. Donc voilà, ce premier sujet, et là on rejoint un peu l'éducation nationale, avec, on a une hausse des besoins à un moment où, dans les années 60, on avait une hausse des élèves. Le deuxième facteur qui joue sur le travail hospitalier, c'est la montée en puissance du numérique, qui a en plus été favorisée par le Ségur numérique et l'intégration progressive du dossier patient informatisé, c'est mon espace patient, c'est la télémédecine, c'est ces fameux outils de coordination ville-hôpital. Et c'est vrai que ça nécessite nouvelles exigences, puisque nos agents, nos professionnels doivent maîtriser les outils numériques et ça change également leur métier parce qu'ils ont un temps accru qui doit être consacré à la saisie et à la traçabilité des soins qui sont faits. Et donc du coup, l'enjeu est désormais de passer d'une logique d'équipement à une véritable logique d'appropriation. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet d'accompagnement nos professionnels. Et enfin, troisième facteur qui a une incidence très forte sur l'évolution des métiers à l'hôpital, c'est la montée en puissance de l'ambulatoire. Aujourd'hui, vous rentrez beaucoup plus souvent qu'avant, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Et en fait, la montée en puissance de l'ambulatoire a deux impacts. sur nos professionnels, sur l'exercice hospitalier. Le premier, c'est que les métiers, enfin, quand vous accueillez un patient en ambulatoire, c'est plus le même métier que quand vous accueillez votre patient au long cours. Vous devez accueillir votre patient sur un temps très court, donc c'est un temps de coordination, beaucoup de coordination sur la journée. Et après, vous devez accompagner le patient sur l'éducation thérapeutique, parce qu'il va devoir prendre en soin, va se prendre en soin lui-même, il va devoir assurer le traitement, et c'est à ce prix que l'ambulatoire réussit. Le deuxième impact de l'ambulatoire, c'est que du coup, pour nos professionnels qui restent sur l'hospitalisation complète de plusieurs jours, du coup, c'est les patients les plus lourds qui restent à l'hôpital. Alors qu'avant, dans nos lits, on avait des patients légers et des patients lourds. Aujourd'hui, systématiquement, en hospitalisation complète, c'est des patients lourds, polypathologiques, c'est des patients âgés, c'est des patients qui ne sont pas autonomes et qui ont des situations cliniques plus denses avec un risque élevé de complications. Donc du coup, l'ambulatoire a ce double impact pour le métier des soignants, et donc il y a besoin d'une expertise clinique renforcée, une capacité à coordonner des parcours, et donc il reconfigure complètement la charge en soins et les compétences dont on a besoin. Voilà, c'était les trois impacts majeurs sur l'exercice à l'hôpital. Le deuxième sujet que je souhaitais évoquer pour caractériser l'exercice à l'hôpital, c'est quand même parler des conditions de travail. Ça a été largement évoqué dans les grèves de 2019, et ça a été quand même documenté sur le fait que les conditions de travail à l'hôpital étaient quand même plus difficiles que dans un certain nombre de secteurs de l'économie française. La DARES publiait, moi j'ai retrouvé que l'étude de 2019, mais publiait tous les trois ans une enquête qui était menée sur les conditions de travail auprès d'un certain nombre de secteurs de l'économie, et en fait elle remarquait donc que nombreuses contraintes liées aux conditions de travail demeuraient plus marquées dans le secteur hospitalier qu'ailleurs. Et d'ailleurs, en 2019, pour la première fois, elle indiquait que les professionnels se projetaient beaucoup moins à l'hôpital en fin de carrière dans leur métier, 48%, alors que dans d'autres secteurs, en moyenne, on était à 57% des professionnels qui se projetaient dans le même métier. Alors, on a des atouts à l'hôpital. À un moment où on parle de sens au travail, forcément, travailler à l'hôpital, en termes d'utilité sociale, le matin, quand on arrive à l'hôpital, on sait ce qu'on vient y faire. En plus, c'est un environnement qui est marqué par l'entraide, le travail collectif. C'est multidisciplinaire, le soin. En revanche, on a un certain nombre de contraintes qui, pour le coup, pèsent de plus en plus. La première, c'est la quantité de travail qui avait été jugée en 2019 excessive en accroissement. Et je vous le disais, à partir de 2014, on fait des plans d'économie, on supprime des postes. Donc forcément, quand on supprime des postes administratifs, il y a tous des débats sur l'administration de l'hôpital. Mais quand on supprime des postes administratifs ou logistiques, sauf s'ils peignaient la girafe dans leur bureau, ces agents servaient à quelque chose. Donc forcément, les soignants ont dû prendre en charge un certain nombre de tâches qui étaient assurées par d'autres. Donc il y a vraiment une intensification réelle du travail sur la décennie 2010. Le deuxième, c'est des contraintes horaires qui sont fortes. On a pas mal échangé, quand j'étais DRH de la paix, avec la RATP, qui connaît un peu les mêmes contraintes. On est ouvert le week-end, les jours fériés, l'hôpital tourne à plein. La nuit, bien sûr, le travail de nuit. Donc c'est vrai qu'on a ces contraintes spécifiques. Les jeunes générations ont peut-être plus de mal, pour le coup, qu'il y a une dizaine d'années, ou même avant, à les assumer. Il y a également, en troisième point sur les conditions de travail, une demande émotionnelle qui est forte. Forcément, la maladie, le décès des patients, l'accompagnement des familles, qui a un impact. Et enfin, le quatrième point, on y pense moins souvent, c'est les conditions physiques de travail, puisque les soignants travaillent debout. C'est une station debout prolongée, et le port de charges lourdes, vous avez la mobilisation des patients, je vous disais, en plus ils sont de plus en plus lourds, mais il y a aussi au sein de l'unité tout un tas de tâches logistiques. Une unité de soins, c'est des chariots qui arrivent toute la journée, les chariots repas, le linge, les médicaments, les solutés, les dispositifs médicaux, donc il y a beaucoup de manutention. Et quand vous rajoutez donc à ces constats faits en 2019, qui est objectif quand même les conditions de travail, vous rajoutez la crise sanitaire pendant 2 ans, l'épuisement vraiment des équipes à gérer la crise sanitaire, la transformation des attentes quand même des jeunes professionnels qui demandent sur le temps de travail, l'engagement, les engagements sociétaux et puis une projection assez limitée hein, sur la carrière. Vous rajoutez à ça la montée des incivilités, parce qu'il y a un vrai sujet quand même d'incivilité des patients, des familles, etc. Forcément, à partir de l'été 2021, on constate une fuite de nos professionnels qui a duré 2 ans. Et honnêtement, sur la PHP, ça s'est traduit quand même par la perte de 12% de nos effectifs infirmiers. Ça, c'est du jamais vu. Hein. On avait une cohorte de 17 000 infirmiers en 2019. On en a perdu plus de 2 000. Alors même qu'on recrutait, on continuait à recruter, à bien recruter pendant ces années-là. Et donc, c'est derrière, c'est 20% du capacitaire de la paix qui a fermé. C'est l'équivalent d'un petit CHU de province qui ferme. Et forcément, pour la prise en soin des franciliens, ça c'est vraiment problématique. Je ne parle pas du déficit. Donc voilà, c'était ce deuxième point que je voulais faire sur l'exercice, le travail à l'hôpital, c'est donc des conditions de travail particulières. Et le troisième sujet qui a un impact sur notre GPEC, qui est forte et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres fonctions publiques, c'est des contraintes réglementaires très fortes sur les qualifications. En fait, on a tous les professionnels soignants doivent avoir un diplôme d'État. On ne peut pas, comme l'éducation nationale, recruter après une licence et former en interne. On est obligé, nos professionnels doivent passer par des écoles, avoir des diplômes d'État qui, les infirmiers, les kinés, les manipulateurs, les ergothérapeutes, enfin voilà, tous ces professionnels de santé passent par des filières spécifiques, par des écoles qui délivrent des DE, et donc qui contraignent forcément le marché du travail. Et l'autre sujet, là on est pour les médecins, on est sur des temps de formation très longs, de 10 à 12 ans, et forcément, quand vous vous rendez compte que nous aussi, on a le mur des départs à la retraite, mais quand les autorités mettent un peu de temps à prendre la mesure de ce mur qui arrive, quand derrière vous avez 10 ans de formation, forcément, si vous êtes un peu en retard, ben vous allez le payer avec plusieurs années de pénurie. Donc dans ce contexte, la GPEC hospitalière ne peut pas se limiter à une anticipation conjoncturelle. On doit composer avec des cycles de formation qui sont longs, des qualifications obligatoires qui évoluent et des besoins en compétences qui finalement évoluent plus vite que la capacité du système à former et à attirer nos professionnels. Donc c'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupé sur la période, je vous le disais, 2021-2023. Voilà sur cette première partie pour vous présenter un peu les contraintes qui sont attachées à l'exercice hospitalier et à la GPEC hospitalière. En deuxième partie, je voudrais parler plutôt que de GPEC, je me disais c'est plutôt de la GEC. Qu'on a fait, c'est-à-dire de la gestion des emplois et des compétences. On a toujours beaucoup de mal à travailler le prévisionnel quand même. Donc je vous ai parlé hein, d'un certain nombre de difficultés qu'on a sur l'environnement organisationnel, l'intensification du travail, le cadre réglementaire. Et il faut rajouter quand même à ça, je vous le disais, on s'est pris quand même le mur de la crise sanitaire. Et ça, pour le coup, je pense que dans les trois fonctions publiques, on a les mêmes difficultés avec des évolutions actuelles des attentes des professionnels auxquels on doit répondre quand même, alors même qu'on avait des politiques RH qui n'étaient pas du tout prêtes à ça. Mais ça, j'exprime une opinion personnelle. Juste rappeler rapidement l'évolution du rapport au travail des jeunes professionnels. Hein, et je vous le disais, dans un environnement où on leur demande de travailler 7 jours sur 7, la nuit, le week-end, etc., c'est compliqué parce qu'il y a quand même des attentes qui sont différentes sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On parle de bien bien-être au travail, c'est plus un petit accessoire aujourd'hui. Il y a vraiment à repenser nos organisations pour penser le bien-être au travail. On avait fait dans les hôpitaux avant la crise des bulles de bien-être. On faisait des massages, un petit peu feng shui, on donnait des cours de pilates ou de... Ben, c'est pas ça, hein, la QVT. Voilà, il a fallu quand même qu'on pousse un peu la réflexion. Hein. Autre sujet, c'est le rôle social de nos organisations. Là aussi, à l'hôpital, on ne s'en préoccupait pas, on avait une telle utilité sociale. Sauf que les jeunes, quand ils arrivent aujourd'hui, ils nous demandent des comptes sur notre bilan carbone, ils nous demandent ce qu'on fait en termes d'égalité pro, hein, qui était un impensé complet à l'hôpital, alors même qu'on a 80% de nos professionnels qui sont des femmes. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas du tout investi ces sujets-là. Et en bonne DRH hospitalière, j'étais au ministère quand le sujet d'égalité pro est arrivé et qu'on a dû mettre en place, prendre les décrets. Et moi je disais, c'est absolument pas notre sujet, on a d'autres choses à faire. Bon, on avait la crise sanitaire à gérer, mais vous dire à quel point, même moi en tant que DRH hospitalière, je ne pensais pas. J'estimais que ce n'était pas du tout une priorité. Nommer nos référents, faire des plans égalité pro, etc. Je disais, on fera ça quand on aura le temps. Et en effet, on avait, comme on n'avait jamais le temps, on ne l'avait jamais fait. Le quatrième sujet, qui est peut-être un peu spécifique à la fonction publique hospitalière, nos jeunes demandent d'autres modalités d'exercice. Le statut à vie, ça ne les intéresse pas. Et ils veulent pouvoir aller exercer également en libéral. Ils veulent pouvoir faire des allers-retours. Et c'est là, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer à la DGAFP, ça peut être une difficulté parce que on ne sait pas bien gérer ces carrières alternatives. Et enfin, ce n'est pas une évolution qui est spécifique à la FPH, mais pour le coup, l'IA, nous, a déjà des impacts sur nos métiers, notamment sur le diagnostic médical, et on est obligé de l'intégrer peut-être un peu plus rapidement que d'autres dans notre accompagnement des professionnels. Et donc voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que, et je vais prendre là, je vais revenir sur la paix, c'est comment la GPEC a réinterrogé complètement notre politique RH. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'en parler, on a Nicolas Revel, quand il a pris son poste en janvier 2022, qui a visité les 38 établissements de la PHP. La PHP, c'est quand même 10% de la fonction publique hospitalière. Donc c'est 70 000 agents, 100 000 avec les médecins et les étudiants qui sont chez nous quotidiennement. Donc c'est vrai qu'on avait, en 2022, on voit les professionnels partir et on est encore à bricoler notre politique RH. Et du coup, c'est comment on a repensé notre politique RH autour, d'une part, pour créer un choc d'attractivité. On ne sait pas, on a... Contrairement à ce qu'on faisait précédemment, on n'a pas priorisé les actions. On a tout fait en même temps. Ce qui a mis un peu en tension les équipes RH, elles ont survécu, hein, mais ça a été quand même un peu... Enfin, les équipes RH et les cadres, parce que c'est les cadres quand même qui portent les politiques RH. Et l'autre sujet, donc on a fait plein de choses, et l'autre sujet, c'est qu'on a, on a travaillé avec une nouvelle méthode. Et ça a son importance dans la réussite de ce qu'on a fait. C'est qu'au lieu de faire ce qu'on faisait précédemment avec des politiques très bien pensées par les DRH, intelligentes, qui prennent en compte bien les spécificités du terrain, on a fait complètement différemment. On a proposé un cadre général et on a proposé aux services, on a lancé des appels à projets. Et au lieu d'avoir, de dérouler des bonnes idées pour tout le monde, en fait, on a demandé aux services ce dont ils avaient besoin. Et on a instruit leurs projets et on a répondu à leurs besoins. Je vous dis ça parce que du coup, les trois actions dans tout ce qu'on a fait, il y a trois sujets, je pense, qu'on a sortis. Le premier, c'est qu'on a dû travailler sur nos organisations de temps de travail. Forcément, dans un établissement qui travaille 7 jours sur 7, c'était un enjeu majeur. Et au lieu de faire ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, où tout le monde travaillait en 7h30 ou en 12h, on a lancé des appels à projets chez Mas Innovant. Et on a demandé au service comment ils voulaient travailler. Si vous voulez travailler en 8h45, en 9h, en 10h, et on a instruit les projets. Et quand les projets étaient solides, eh ben, on a fait passer sur des nouveaux horaires. Et ça, on ne savait pas le faire jusqu'à maintenant. On a même réussi à avoir des équipes mixtes avec des horaires mixtes au sein d'équipes. Donc ça a été le premier sujet de réussite. L'autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est conciliation vie pro-vie perso, forcément. Donc, on a la chance d'avoir des crèches à l'hôpital. On a un peu dynamisé notre politique d'accueil des jeunes enfants. Et on a beaucoup travaillé sur le logement. C'est des sujets qu'on a également partagés avec d'autres fonctions publiques. Et la troisième thématique sur laquelle on a travaillé et qui a été un vrai succès, là aussi, on a fait des appels à projets et on a sur un levier qui s'appelait « Redonner du temps aux soins ». 2021-2023, on n'a plus assez d'infirmiers. On voit bien qu'on a tellement de départs qu'on n'arrive pas, de toute façon, les promotions qui sortent des écoles n'arrivent pas à remplacer tous les gens qui partent, tous les infirmiers qui partent. Donc l'objectif, ça a été de créer des postes de non-soignants dans les services de soins, mais adaptés aux besoins des services. Alors que sur la décennie précédente, par exemple, on se serait dit, on a besoin de logisticiens dans les services de soins. On aurait dit, dans tous les services, on crée des logisticiens. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit de quoi vous avez besoin. Et au lieu de créer des logisticiens partout, on en a créé beaucoup, on a aussi créé des infirmiers de parcours, on a aussi créé des secrétariats médicaux, on a aussi créé des agents d'accueil. Et c'est vraiment une nouvelle méthode et ça a permis de desserrer la contrainte et de redevenir attractif. C'est là où je vous dis, on ne travaillait pas du tout sur la prospective, on travaillait vraiment sur la gestion des emplois. On était dans l'urgence, il fallait qu'on réouvre nos lits. Donc voilà, sur ce qu'on a fait, sur la politique d'attractivité, je pense que c'est les trois grands sujets. Et en marge des sujets, un travail de fond sur d'une part l'affirmation de l'engagement citoyen de la PHP, je vous le disais, et notamment tout un plan d'action décarbonation, et on a vraiment travaillé sur l'égalité pro, et c'était indispensable. On a beaucoup travaillé sur notre politique d'accueil des stagiaires. On ne s'est quasiment pas recruté de seniors. Dans les hôpitaux, on recrute en sortie d'école. Entre 95 et 97% de nos recrutements, c'est des sorties d'école. Et on accueillait nos stagiaires comme une quille dans un bowling. Donc, on a vraiment mis en place du tutorat. On les a accueillis le premier jour. On leur a donné les vêtements professionnels parce que les pauvres, ils arrivaient avec leurs blouses qu'ils allaient laver chez eux pendant le Covid. Autant vous dire que je pense qu'on a bien diffusé le Covid partout. Donc voilà, donc on a accueilli nos jeunes stagiaires pour de vrai et avec bienveillance. Et troisième sujet de fond sur lequel on a travaillé, c'est les relations interprofessionnelles. Pour ceux d'entre vous qui connaissez l'hôpital, vous allez vous reconnaître. Quand on arrive de... Je me rappelle Nicolas Revel dans son rapport d'étonnement et tous les fonctionnaires de l'État qui arrivent nous disent « Waouh, c'est rude !» L'hôpital, c'est rude. Les relations sont rudes. Parce qu'il y a des cultures qui s'entrechoquent et des cultures qui ne sont pas forcément compatibles d'emblée. Même, par exemple, au sein des services, la culture médicale n'est pas du tout la même que la culture soignante. Vous rajoutez à ça les 200 métiers qui composent l'hôpital, vous avez quand même parfois des relations interprofessionnelles qui peuvent être difficiles. Et on a beaucoup travaillé sur la cohésion d'équipe, sur la mise en place d'espaces de dialogue au travail, sur la professionnalisation de tout ce qui était enquête, violence au travail, des signalements. On a beaucoup parlé des violences sexistes et sexuelles, mais pas que. C'est globalement toute la violence au travail sur laquelle on a travaillé. Donc voilà comment on a remis en place une politique de gestion des emplois et des compétences. Et on est en train de travailler à la GPEC, quand même, mais ça nous a pris quand même 3 ans du coup, 4 ans pour recomposer nos collectifs et remettre en place une politique RH suffisamment solide pour pouvoir refaire du prévisionnel. Et c'est quoi la GPEC? C'est une vision qui est personnelle à l'hôpital. C'est comment on passe donc d'une logique réactive à une logique quand même un peu d'anticipation. Même si je partage complètement, on reste sur un objet non identifié parce que, par exemple, on aurait eu toute une politique RH super bien léchée en 2019, on aurait été incapable de prévoir la crise sanitaire, son impact sur les collectifs de professionnels à l'hôpital et même l'évolution derrière des jeunes générations qui n'attendent plus, qui ne travaillent plus de la même manière. La GPEC de demain à l'hôpital, pour moi, elle suit 3 orientations. D'une part, c'est une GPEC qui est pilotée par la donnée. Et je rejoins ce que disait Sarah. En fait, on avait de la donnée, mais de la donnée pas du tout interconnectée. Donc, on avait de la donnée dans tous les sens. On ne savait pas quoi en faire. Et à la PHP, ça nous a pris 4 ans pour sécuriser nos bases de données et en faire des bases de données intelligentes. Donc, c'est un énorme travail. Rien que de savoir combien d'agents entraient à l'AP et sortaient de l'AP, on a mis 2 ans à sécuriser, ce qui paraît fou quand je vous le dis comme ça, pour travailler sur des gros entrepôts de données, pour travailler sur des définitions. C'est quoi une entrée? C'est quoi une sortie? Parce qu'en fait, il y a plein de mouvements de nos professionnels. Et donc, c'est 4 ans de travail sur les bases de données pour faire en sorte qu'on arrive de la même manière travailler, évaluer notre force de travail. Parce que vous savez combien de professionnels vous rémunérez tous les mois, vous avez vos fiches de paye, sauf que derrière, vous avez des heures supplémentaires, vous avez recours à l'intérim, vous avez recours à des vacataires, et en fait, c'est de la force de travail. Là aussi, 2 ans pour savoir quelle est exactement la force de travail dans nos services de soins, aussi pour objectiver le sentiment d'une très très grande pénurie. Et en fait, quand on travaille sur la force de travail, qu'on réagrège tout, il y a moins de pénurie que ce qui est ressenti. Voilà, on a aussi besoin d'objectiver un certain nombre de choses. Donc, une GPEC pilotée par la donnée et un très gros travail sur le sujet. Et donc, la mise en place également d'une cartographie fine des métiers, des compétences et l'identification des filières en tension. Parce que là aussi, quand je suis arrivée DRH à la PHP en 2021, tout le monde était en tension. On ne pouvait pas voir un professionnel sans qu'il nous explique pourquoi il était très très en tension plus que le voisin. Sauf que quand on a travaillé nos bases de données, justement, on s'est rendu compte qu'on avait finalement, heureusement pour nous d'ailleurs, peu de métiers en tension. Et on a objectivé ce qu'était un métier en tension et du coup, on a réorienté nos politiques sur les métiers en tension. Et je vous parlais du logement, on a arrêté de loger toute la paix et on a logé nos professionnels en tension. Voilà. La deuxième orientation que je vois pour la GPEC, c'est une GPEC tournée vers l'avenir et c'est anticiper les transformations plutôt que de réagir aux pénuries. Et ça rejoint des choses qui pareil, hein, ont l'air basiques, mais qui n'étaient pas du tout structurées. Donc, nous, on est vraiment obligés d'anticiper l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers parce qu'on est vraiment en plein dedans. Hein, et c'est vraiment la structuration de la formation continue. Vous parliez d'école de transition et nous on a mis en place 3 écoles à l'AP, une école RH, une école du management, une école numérique, parce qu'en fait on avait un catalogue de formation qui était un peu plus épais que le livre et en fait c'était le catalogue de la redoute, hein. Tout le monde le regardait, alors en plus on l'éditait encore en papier et puis tout le monde cochait ce qu'il avait envie de faire, mais du coup il n'y avait pas du tout d'accompagnement des compétences, hein. C'était la formation un peu bonbon, on remercie les agents mais on ne structure pas du tout un parcours et un maintien de compétences. Bien sûr, c'est également les définitions des compétences critiques. La crise sanitaire nous a beaucoup aidés à les évaluer. Par exemple, vous n'avez pas du tout, c'est des exemples très bêtes, hein, mais une infirmière dans un centre de prélèvement n'a pas du tout les mêmes compétences qu'une infirmière de réa. Et il faut qu'on sache de quoi on a besoin quand on doit faire face à une crise sanitaire. Et du coup, derrière, un plan de maintien des compétences. Voilà, sur ce deuxième aspect, sur l'anticipation des transformations plutôt que la réaction aux pénuries, et donc d'identifier un peu les compétences dont on aura besoin demain, même si c'est toujours très parcellaire, hein, ce qu'on fait, il faut rester très très humble sur nos démarches. Et troisième orientation et dernière orientation sur notre GPEC, c'est une GPEC qui sécurise les parcours, et là aussi ça paraît des lapalissades, mais c'est vraiment un travail de fond qu'on a fait pour sécuriser les parcours, attirer, accompagner et fidéliser. Et vous en parliez, et je le partage complètement, c'est de mettre en place des dispositifs de reconversion pour les professionnels qui sont usés physiquement ou psychologiquement. Là aussi, c'était un impensé de nos politiques RH, alors même que je vous disais, on casse physiquement un certain nombre de nos professionnels. On a des professionnels aides-soignants ou des professionnels qui sont agents des services hospitaliers qui, à 50 ans, ont des troubles musculo-squelettiques, qui ne peuvent plus porter, etc. Et on n'avait aucun programme d'accompagnement, finalement, c'était au cas par cas qu'on accompagnait. Donc, il y a vraiment à accompagner ces reconversions au long cours. C'est de structurer des parcours de carrière lisibles en offrant des perspectives d'évolution et de montée en compétences. Aujourd'hui, je suis jeune infirmier à la paix. Honnêtement, malgré le travail qu'on a fait, et on est en train de le structurer, je ne sais pas à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ce que me propose l'institution. Donc c'est déjà ouvrir des concours régulièrement. On a la maîtrise de nos concours dans la fonction publique hospitalière et on n'avait aucun calendrier pluriannuel des concours. Donc on avait des concours qu'on ouvrait tous les 4 ans, puis après on allait l'ouvrir l'année d'après, puis après repas 4 ans ou 3 ans. Donc pour donner des perspectives à nos professionnels, c'était impossible. Bien sûr, c'est de la communication très simple sur les possibilités qu'on offre en interne. On s'est doté d'une plateforme pour nos vacances de poste, une plateforme de recrutement en 2022. Or, c'était vraiment le sujet. Et la plateforme, en fait, c'était 180 000 euros et on n'arrivait pas à trouver le budget. Le budget de la PHP, c'est 9 milliards. Voilà. Donc, et donc le projet, ça faisait 3 ans que tout le monde s'envoyait et donc on a fini par taper du poing sur la table en disant maintenant, vous nous financez la plateforme parce qu'on a un sujet majeur de pénurie et de difficulté de recrutement et on était illisible. Nos vacances de poste étaient illisibles. Et bien sûr, c'est l'accompagnement des mobilités internes, c'est des événements qu'on peut organiser en interne, voilà. C'est tous ces sujets-là qui semblent simples, mais qui nécessitent beaucoup de travail de coordination entre les acteurs. Et donc, la JPEG de demain est juste plus structurée, plus prospective et plus humaine. Et c'est c'est avec cette condition qu'on arrivera à fidéliser nos professionnels. Maintenant qu'on a réussi à recruter, on a besoin de fidéliser nos professionnels parce qu'on a beaucoup de jeunes infirmiers, de jeunes soignants qui sont arrivés dans nos hôpitaux et il va falloir qu'on les garde maintenant. Voilà. Merci beaucoup.